lokwenguza panaki gilo golotina bale tambana ndike koniti moyo mona bae chaka chaka yango na bae oke wani timbe yango na ba chéri chaka chaka yango na bae ndike kwiki na moyo mona bae chaka chaka yango na bae mbie mbie yango na ba mama chaka chaka yango na bae onesi mope yango na bae chaka chaka yango na bae omoboti mema yango na bae chaka yango na bae kirina boti mimi etene ape chaka chaka yango na bae sopendele wali sosu sukula chaka chaka yango na bae nkete muzata nani na pointe chaka chaka yango na bae shida loka jesus na pata balota mais kozo titene jesus a kui lokolo fateretilo attention na traître a hypocrite aya ya laskino tere nanga betimo mandata. Tu es belle ma chérie, tu es belle. T'es mieux ma poupée, je t'adore. Regarde-moi, approche un peu, sans toi je suis perdu. Tu es ma lumière, regarde-moi, approche un peu, sans toi je suis foutu. Donne-moi ton cœur. Fa des soirées fatérées à la mingi. Donc, on a connu à Yelo, l'oké sana, l'oké gesto. Maman est fiesco, ti bolingo. Ti a jeunesse, soit que pas si ti la moulou. Donc, on a connu à Yemo, mon coin moyen, on a petit moko. Donc, on a son zia, ti bolingo, ti a la main, donc on a balé. Maman est plaisir, ti bolingo. Ti bina deli. Sois que plaisir ti bolingo Mbinge kwe Tonga na poto électrique Na terre ti lege Meke sara tonga na ya A la zambi o A la zambi e Yenga terre ti mbina delie Sois que vraiment succès ti bolingo Delilo yen mbimbi kwe mbi yelo Mon entier kwa keba Ah, merci na matibo Eh, merci na deli Audrey, Audrey Maréchal Je t'aime chérie, vraiment la folie